plus des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô, bienvenue dans le grenier pop sur les ondes vintage de CIBL 105 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie et je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour monter dans cette vieille échelle qui mène au grenier, ce fameux grenier rempli de tous mes souvenirs. Et cette semaine, de quoi on parle? Eh bien, un sujet d'actualité cette semaine. Et oui, avec la ville qui est pas mal hockey, eh bien, ce sera notre sujet cette semaine. Avec le Canadien en série, j'ai eu le goût de faire un épisode du grenier pop avec le hockey au centre de l'épisode. Et pour bien débuter, avant de rentrer dans mes vieux souvenirs, je voulais vous parler du balado Palais Hockey. Pour ceux qui suivent moindrement le monde de l'humour, vous avez probablement vu passer cet épisode sur YouTube. C'est quoi Palais Hockey? C'est un projet de balado de Richardson Zephyr dans lequel il anime une parodie haïtienne d'une discussion animée sur le monde du hockey et sur les coulisses du sport en général. Donc, on a quatre humoristes qui s'amusent pendant 30 minutes à nous faire ce genre de parodie non scriptée de l'antichambre où ils s'amusent à analyser le hockey en humour. Donc, dans ce premier épisode qu'on peut écouter sur YouTube, on a Richardson Zephyr qui, lui, a le rôle de l'animateur, M. Michelin Étoile. Il est accompagné de Sheldrick Mattson, alias Kedji Milieu. Lui, il y avait dans le balado la contrainte d'être menteur. Ensuite, Romulus et Coutume, haïtien philosophique, qui a toujours des citations un peu douteuses et imprécises pour nous. Et Jean-Michel Elie, alias Marcus Kenol, ancien joueur étoile des Rangers, un peu vedette. Moi, j'ai bien aimé écouter leur folie, là, c'est amusant à écouter. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, écoutons ensemble un extrait de quelques minutes. Alors, bonjour, bienvenue à Palais Hockey. Alors, aujourd'hui, bien sûr, communication spéciale pour les éliminatoires séries canadiennes en route vers la Coupe Stanley. Alors, beaucoup de panélistes aujourd'hui n'ont pas parlé. Avec nous, Marcus Kenol. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et bien sûr, Romulus et Coutume. Solide. Et Kenji Milieu. Milieu centre, centre, milieu centre, centre, milieu. Alors, Canadien fait belle saison cette année, saison 2026 en route pour direction Coupe Stanley. Beaucoup de questions. Alors, direct, nous allons plonger dans les sujets. Je demandais, que pensez-vous du travail de Martin Saint-Louis? Bon, écoutez, moi, ça me rappelle là, dans mon jeune temps là, avec les Rangers New York. Et puis, bon, écoute, moi, je pense que Martin Saint-Louis, là, vraiment, là, et il travaille vraiment beaucoup. Et il parle beaucoup pour ses joueurs. Et dit beaucoup de proverbes. Beaucoup de proverbes, c'est bon des proverbes. Ça rejoint un peu la Bible là, et puis les pasteurs sont contents quand ils écoutent Martin. Son grand chrétien. Grand chrétien. Je me souviens là quand j'étais tout grand là et lui il était tout petit, je prêchais avec lui là à l'église là à New York, à Brooklyn. Ouais. Sur Flatbush. Je connais cette église. Et puis c'est ça, mais c'est bon Martin Saint-Louis, vraiment homme sérieux. De grande taille, mais petit. Ouais. Mais bon, c'est bon. Et puis Saint-Louis, je crois son nom de famille, on en parle un peu, Saint-Louis. Un haïtien. Oui. Ça fait référence à quoi? À Saint-Louis du Nord. Saint-Louis du Nord, oui. Exactement. Territoire bien alors, connu. Il sent tellement le besoin de représenter qu'il a intégré dans son nom sa région natale. Saint-Louis. Et comme vous le savez, Saint-Louis, c'est très fort. Hein? Et même dans les moments les plus noirs, les moments les plus sombres du Canadien, il a su représenter la lumière. Parce que comme on dit souvent, la nuit, tous les chats sont bris. Oui, oui, ça je connais ces proverbes. Alors, toujours encore pour parler canadien, il y a les joueurs, hein, Cole Caulfield, qui a une belle saison, marqué beaucoup les buts. Et je voulais savoir avec vous, bon, il approche les 50 buts, si ce n'est pas déjà 50, combien de buts vous pensez Cole Caulfield va terminer la saison? Donc voilà, ça vous donne une petite idée de quoi ça ressemble ce balado. Pour entendre l'intégralité de Palais Hockey, c'est disponible sur YouTube. Maintenant, on part en musique tout en restant dans la thématique hockey avec la chanson Le but de Loco Locas et au retour, on se souvient. Donc, je vous souhaite un bon grenier. Mmh.

La soirée du hockey, une tradition sacrée du samedi soir québécois. Pendant plus d'un demi-siècle, la soirée du hockey a rythmé les samedis soirs de millions de Québécois. Diffusée en direct de 1952 à 2004 à la télé de Radio-Canada, cette émission mythique couvrait les matchs des Canadiens de Montréal, devenant au fil du temps bien plus qu'un simple rendez-vous sportif. Non, c'était un véritable rituel collectif. Et avec ses 51 années de diffusion, c'est non seulement un record pour Radio-Canada, mais aussi l'une des émissions sportives les plus durables en Amérique du Nord. Et tout ça a débuté tout simplement en noir et blanc. La première émission a été diffusée le 11 octobre 1952. À l'époque, la production était modeste. Il n'y avait que 3 caméras, une image en noir et blanc et un match opposant Montréal aux Red Wings de Détroit. C'est comme ça que tout a débuté. Ensuite, la couleur est arrivée à l'écran quelques années plus tard et au fil du temps, la soirée du hockey est devenu légendaire. Chaque samedi soir, les familles se rassemblaient devant la télévision pour regarder ces Canadiens. Et pendant ce temps-là, le réseau anglophone de Radio-Canada diffusait, lui, Hockey Night in Canada, mettant davantage en vedette les Maple Leafs de Toronto. Et c'est en 2004 que la soirée du hockey est disparue des ondes francophones, après plus de 51 ans à l'antenne. Moi, je me souviens d'avoir regardé quelques matchs avec mon père, là, avec Guy Lafleur, qui à ce moment était le meilleur joueur du Canadien. Mais pour être franc, moi, j'écoutais plus le baseball l'été, le baseball des expos. Mais bon, je me souviens quand même qu'un jour, Guy Lafleur était de passage au Saguenay où j'habitais et mon père s'était rendu à Place du Royaume, là, un de nos deux centres d'achat, pour me faire signer un autographe. Et il me l'avait donné. Bon, j'étais très content. Je savais que c'était précieux. Et petit garçon que j'étais, j'ai décidé de cacher dans notre maison cet autographe pour être sûr qu'il ne soit pas brisé. Mais j'ai oublié où je l'avais caché. Donc encore aujourd'hui, je ne sais pas où se trouve l'autographe de Guy Lafleur. Il est dans la maison chez mes parents. De mémoire, je me souviens que je l'avais caché dans le plafond de ma chambre, au-dessus du plafond, là, suspendu. J'ai cherché plusieurs fois, mais je n'ai jamais pu remettre la main sur cet autographe. Donc l'autographe est probablement toujours là, bien caché et bien protégé, comme j'avais voulu faire au départ. Donc, j'ai bien réussi mon coup, mais ça serait bien, là, je pense, que rendu à l'âge que j'ai, ça serait le temps de le retrouver. Maintenant, pour le hockey, moi, je dois avouer que je ne l'écoute pas en saison régulière. Mais durant les séries, si je m'adonne à l'entendre à la radio, alors là, je l'écoute. Mais juste à la radio. Moi, ça me prend quelqu'un comme Martin McGuire pour me décrire ce qui se passe avec les analyses de Danny Dubé. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant de se faire décrire le match à la radio. Martin McGuire, il a tellement le don pour nous décrire le match que même si je suis pas le plus grand fan de hockey, d'entendre cette description-là à la radio, ça m'accroche immédiatement. Maintenant, ce que je voulais faire dans ce grenier pop spécial hockey, c'est de parler de moments marquants de cette histoire du hockey. Et un de ces moments s'est passé bien avant ma naissance, mais c'est un événement dont on a tous entendu parler, l'émeute au Forum. Mais bon, savez-vous vraiment ce qui s'est passé? Donc, je trouvais ça intéressant de faire quelques recherches là-dessus pour qu'on se souvienne ensemble c'est quoi cet événement, pour connaître vraiment ce qui s'est passé. Moi, je suis trop jeune, je n'avais qu'une vague idée de l'événement. Quand le hockey devient une question d'identité. L'émeute du Forum, c'est une émeute qui s'est déroulée le 17 mars 1955. À Montréal, un simple match de hockey va déclencher l'une des plus grandes émeutes de l'histoire du Québec. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là au Forum, il faut remonter quelques jours plus tôt et même un peu plus loin dans le contexte social de l'époque. Au milieu des années 50, le Québec francophone vit encore sous une forte domination économique et culturelle anglophone. Dans ce contexte, le hockey devient plus qu'un sport. Et au cœur de cette fierté collective, il y a un homme, Maurice Richard, le numéro 9 du Canadien de Montréal. C'est un héros pour les francophones, un symbole de réussite, de force et de résistance. Le 13 mars 1955, lors d'un match contre les Bruins de Boston, la situation dégénère. Frustré par les provocations et le jeu robuste de ses adversaires, Maurice Richard frappe un joueur, puis s'en prend à un juge de ligne qui tentait de l'intercepter. Le geste est grave et il attire immédiatement l'attention du président de la LNH, Clarence Campbell. J'ai été fouillé dans les archives de Radio-Canada et j'ai trouvé un extrait de Maurice Richard qui nous explique pourquoi il a posé ce geste. On l'écoute. Je ne vois jamais un juge de ligne ou un arbitre retenir un joueur par en arrière. J'ai vu le sang couler, alors je me suis retourné et j'ai frappé l'arbitre au visage. Trois jours plus tard, la sanction tombe. Maurice Richard est suspendu pour le reste de la saison et des séries éliminatoires. Pour les partisans, c'est une injustice totale. Beaucoup y voient une décision sévère, voire discriminatoire envers un joueur francophone. La colère monte rapidement à Montréal. Le 17 mars 1955, les Canadiens affrontent les Red Wings de Détroit au Forum. Mais ce soir-là, l'ambiance est électrique. Des milliers de partisans sont déjà en colère avant même la mise au jeu. Et lorsque Clarence Campbell décide d'assister au match en personne, malgré les tensions, cela met le feu aux poudres. Dès qu'il est aperçu dans les gradins, la foule explose. Huées, insultes, objets lancés sur la glace. Après la première période, alors que les Red Wings mènent 4 à 1, une bombe lacrymogène est déclenchée dans l'aréna. Le match est annulé et la victoire donnée aux Red Wings. À l'extérieur, la situation dégénère rapidement. Plus de 10 000 personnes demeurent autour du forum. Vitrines fracassées, voitures renversées, incendies. Montréal bascule dans le chaos. Cette émeute, qu'on appelle aujourd'hui l'émeute du forum, dépasse largement le cadre du hockey. Pour plusieurs historiens, elle marque un moment clé où la frustration des Canadiens français face aux inégalités sociales et culturelles éclate au grand jour. Ce soir-là, le hockey n'était plus seulement un sport, c'était devenu une question d'identité, de fierté et de colère. À la demande du Canadien de Montréal, Maurice Richard prend la parole et s'adresse à la nation dans les deux langues officielles pour calmer la tempête. Because I always tried so hard to win and had my trouble at Boston. Je viens donc demander aux amateurs de ne plus causer de troubles et je demande aussi à tous les partisans d'encourager le Canadien. Privé de son joueur étoile, le Canadien ne remportera pas la Coupe Stanley cette année-là. Mais l'événement a fait naître la légende et Maurice Richard mènera durant les cinq années suivantes le Canadien à la conquête de la Coupe Stanley. Extremely loud, okay? It's simple. Three simple words. Seek and destroy! We'll be right back. Oh yeah! Oh yeah! Maintenant, je veux parler d'un autre moment important, la bataille du Vendredi Saint, un autre événement marquant du Québec. Le 20 avril 1984, au Colisée de Québec, les Canadiens de Montréal affrontent les Nordiques de Québec en série éliminatoire. C'est le sixième match de la finale de la division Adams. La rencontre est marquée par deux bagarres générales. Les Canadiens et les Nordiques accumuleront 198 minutes de pénalité uniquement lors de ces deux batailles. L'arbitre, lui, doit expulser 10 joueurs, ce qui en fera une sanction les plus importantes de l'histoire du hockey sur glace professionnelle nord-américain. Il s'agit de l'événement majeur de la bataille de Québec. Mais ce soir-là, ce n'est pas un match de hockey, c'est une guerre. La rivalité entre Québec et Montréal est déjà intense. Deux villes, deux identités, une haine sportive bien réelle. Alors que les Nordiques mènent 1-0 en fin de deuxième, une bagarre générale commence quand Dale Hunter, centre des Nordiques, bouscule le gardien des Canadiens, Steve Penny, ainsi que l'attaquant Guy Carbonneau. À cet instant, les joueurs des deux équipes sautent sur la glace et les officiels sont incapables d'empêcher la bagarre. Deux attaques célèbres marquent cet affrontement. Le joueur montréalais Mario Tremblay brise le nez d'un coup de poing à son rival Peter Stachny, les deux étant expulsés ensuite. Et le Québécois Louis Slager donne un coup de poing en plein visage à Jean Hamel, le laissant inconscient pendant près de 10 minutes. Cette agression a même eu des séquelles sur sa vision et l'oblige à retourner au camp d'entraînement l'automne suivant, alors qu'il souffre encore à un œil durant le dernier match pré-saison des Canadiens. Hamel doit ensuite prendre la décision de mettre un terme à sa carrière de hockeyeur professionnel. Quand débute la troisième période, alors que l'arbitre principal Bruce Hood tarde à annoncer les pénalités, tous les joueurs entrent sur la glace et une nouvelle bagarre générale éclate. Cette fois, on voit Mark Hunter des Canadiens se jeter sur son frère Dale des Nordiques pour le frapper à plusieurs reprises. Au total, l'arbitre donne 252 minutes de pénalité et ordonne 10 expulsions, mais à la suite de sa gestion du match, Wood doit finalement prendre sa retraite à l'issue des séries. La partie et la série se terminent par une victoire montréalaise 5 à 3. Pour terminer ce grenier pop, on écoute une archive du match tel que décrit à ce moment par Radio-Canada. Je ne me rappelle pas au cours des dernières années d'avoir vu une chose pareille, Gilles. Une fin de période aussi tumultueuse et une troisième qu'on ne parvient pas à mettre en marche. Incroyable. Avec autant de bagarres et où on a l'impression que ça ne cessera jamais. Il est devenu absolument impossible pour l'arbitre d'en arriver à des conclusions valables ou enfin une étude objective. En ce qui concerne les pénalités, il faudrait vraiment que les trois quarts des joueurs reçoivent des pénalités de match. Ça n'a aucun sens.